quatre restent en plan. Sosorobakite, il marche sur l'Iran, sur l'Iran. Il mène rudement la guerre, sa victoire ne tarde guère. Et pour lui, il fait toujours, toujours assez beau temps. Et ses soldats ont bien assez de cran. Soso, soso, soso, Robakite, c'est lui l'homme qu'il nous faut. Midi. Tout le monde à table. Là, on va rester assis dans l'herbe, le cœur battant, et on va voir comment la bonne Groucha se procure une petite cruche de lait. Pourrais-je avoir une petite cruche de lait, grand-père? Et peut-être une galette de maïs? Du lait, on n'a pas de lait. Monsieur, les soldats de la ville ont emmené nos chèvres. Allez trouver les soldats, si vous voulez du lait. Les grands-pères, pour un enfant, vous aurez bien une petite cruche de lait. Les soldats, Dieu vous le rende. Qui vous parle, Dieu vous le rende? On règle sans discuter. Comme des princes, la tête dans les nuages, les fesses en haut. Et c'est combien, la petite cruche? 3 piastres, le lait a augmenté. 3 piastres? Pour ces 3 gouttes? Oh, bah, jamais. T'entends, Michel? 3 piastres? On peut pas se payer ça. Faut qu'on essaye encore comme ça. Allez, tête! Pense aux 3 piastres. Y a rien dedans, mais t'as l'impression que tu bois. C'est déjà quelque chose. Ouvre, grand-père, nous payons. Crève. Je pensais que ça coûterait une demi-piastre, mais il me faut quelque chose à boire pour l'enfant. Une piastre. Ça irait. À guerre! Non, non, ferme pas! Voilà 2. Mais il faudrait que ce lait soit vraiment très nourrissant parce qu'on a encore un sacré bout de chemin à faire. C'est un péché d'égorger les gens comme ça. Et tuez les soldats si vous voulez du lait. Aval, Michel, c'est le salaire de 3 jours. Les gens d'ici croient que nous l'avons gagné avec notre cul, cet argent. Michel, Michel, mais qu'est-ce que je me suis mis sur les reins, moi, en prenant un manteau de brocart de 1000 piastres, et même pas une piastre pour du lait. Tandis que Groucha Varnadze marchait vers le nord, les gardes noirs du prince Kazbeki marchaient à ses trousses. Comment, pieds nus, échapper aux gardes noirs, aux brutes avides de sang, aux chasseurs d'hommes? Les poursuivants ne connaissent pas la fatigue. Même la nuit, ils mènent la traque. Les tueurs dorment peu. Tu n'arriveras jamais à rien, tête de bois. Le cœur n'y est pas, c'est pour ça. Un chef remarque ça des petits détails qui avant-hier. Pendant que je m'occupais de la grosse, toi tu ratais le mari comme ça l'avait commandé, et tu les flanquais des coupiers dans le ventre. Mais est-ce que tu faisais ça avec plaisir? Comme un bon deuxième classe? Ou simplement pour la forme? De t'observer, tête de bois. Tu crées comme un chalumeau, tu as un grelot dans la tête, tu n'auras jamais d'avancement. Mais t'imagines pas que je n'ai pas remarqué que tu rates pas une occasion de faire la mauvaise tête. Je t'interdis de boiter. Tu recommences de boiter uniquement parce que j'ai vendu les canassons, parce que c'est le moment jamais dont tu auras bon prix. Avec ta boiterie, tu veux me prouver que tu n'aimes pas aller à pied, je te connais. Un truc inutile. Et qui te fera du tort. Une chanson! Seul et triste, je rejoins l'armée. J'ai laissé chez moi ma bien-aimée. Mes amis la garderont fidèle et fière. Jusqu'au jour où je reviendrai de guerre. Plus fort! Quand je je serai couché au cimetière. Et je crains sur moi un peu de terre. En disant ses pieds, je dis sur moi sa terre. Et souvent c'est moi, mon sérénaguerre. Un bon soldat s'engage corps et âme. Pour l'amour de son chef, il se fait tailler en pièces. À l'instant de mourir, son œil révulsé voit encore son brigadier qui l'approuve d'un signe de tête. Cette récompense est suffit, et il ne demande pas plus. Mais pourtant pas de signe de tête, hein? Et tu crèveras pareil. Sacrédier, avec un sous-fifre dans ton genre, comment je vais faire pour retrouver le rejeton du gouverneur? Oh, ça, je me le demande. Quand Groucha atteignit le fleuve Syra, fuir lui parut trop dur, l'enfant délaissé trop lourd. Alors, bon, voilà que tu t'es encore mouillé. Tu sais bien que j'ai pas de quoi te changer. Faut nous séparer, Michel. On est assez loin de la ville maintenant. Ils sont tout de même pas acharnés après une petite crotte comme toi. Au point de te poursuivre jusqu'ici. Oh, la paysanne a l'air gentille. Hein? Et renifle un peu du sang, l'odeur du lait. Bon, alors adieu, Michel. J'oublierai les coups de pied que tu m'as flanqué dans le dos toute la nuit pour me faire trotter comme il faut. Et toi, oublie les bouillies à l'eau, ça venait du cœur. Je t'aurais bien gardé plus longtemps, à cause de ton nez qui est si petit. Mais ça va pas! Je t'aurais montré ton premier lapin, et surtout que t'arrêtes de te mouiller. Mais il faut que je rentre à Nuka, moi, parce que mon chéri, le soldat, il pourrait revenir bientôt, lui aussi. Et tu voudrais qu'il me trouve pas? Tu peux pas me demander ça, Michel! Vas-y, Marie, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, patron! Quoi encore? Laisse-moi manger ma soupe! Où elle est ta mère? Tu n'as pas de mère? C'est un garçon! Il a du beau linge, c'est un enfant de riche. Ils l'ont froidement déposé devant la porte, quelle époque! S'il croit qu'on va le nourrir, il se trompe! Tu l'amènes au village, chez le curé, et finis avec ça! Qu'est-ce qu'il en ferait, le curé? Il a besoin d'une mère, ce gosse! Tiens, il se réveille. Tu crois pas qu'on pourrait tout de même le garder? Non! Je lui ferai son lit dans le coin à côté du fauteuil. Il me suffit d'un panier, je l'emmène avec moi au champ. Tu vois comme il rit? Écoute, on a un toit au-dessus de la tête et ça nous coûte rien de le garder plein mou là-dessus. Oh! Pourquoi es-tu gay? Toi qui rentres à Nuka. Avec son sourire, l'enfant délaissé s'est trouvé de nouveaux parents, voilà ce qui me rend gay. Du petit, je suis débarrassée. Voilà ce qui me réjouit. Et pourquoi es-tu triste? Je m'en vais, libre et sans attache. Voilà ce qui me rend triste. Comme un voyageur détroussé. Comme une appauvrie. Ma fille, tu t'es jetée dans les bras de la force armée! De Gaieté, as-tu des liaisons dangereuses avec l'ennemi? Révèle-moi ses positions. À quel mouvement se livre-t-il sur tes arrières? Quoi neuf sur les mamelons? Dans le petit creux des vallées, l'ouverture est-elle bien gardée? C'est solidement gardé, vous feriez aussi bien le battre en retraite! Ah, pour le retrait, on peut se fier à moi. Pourquoi regardes-tu comme ça cette pique? En campagne, le soldat ne lâche pas sa pique, c'est le règlement. Apprends ce marqueur, tête de bois! Alors, ma fille, où tu t'en vas comme ça? C'est mon fiancé, monsieur le soldat. Un certain Simon Chachava qui appartient à la garde du palais de Nuka. Et si je lui écris, il vous cassera tous les os du corps. Simon Chachava? Simon Chachava, mais bien sûr, je le connais. Il m'a confié la clé que j'allais prendre de tes nouvelles de temps en temps. Tête de bois, nous devenons impopulaires. Il faut que nous proclamions la pureté de nos intentions. Ma nature sérieuse, ça casse parfois sous tes dehors, patin. Alors je te le dis avec toute la gravité réglementaire, je veux un enfant de toi. Elle nous a compris, tête de bois, quelle exquise frayeur. Monsieur l'officier, il faut d'abord que je retire le gratin du four. Ma chemise est déchirée, mon colonel, il faut d'abord que je me change. Hé hey. Ah. Pique à gâcherie, laissons tout cela. Ma fille, nous recherchons un certain enfant de la Légion. Tu n'as pas entendu parler d'un enfant qui sera paru par ici, venant de la ville, un enfant de riche, avec un trousseau de belle lingerie. Ah non, j'ai entendu parler de rien. Cours, les tueurs arrivent. Toi qu'on délaisse, ne délaisse pas le délaissé. Et la voilà qui court. Cache-le, vite. Les gardes noirs arrivent. Je l'avais déposé devant la porte. Mais il n'est pas à moi. C'est un fils de riche. Qu'est-ce qui arrive? Quel garde noir? Pas tant de questions, les gardes noirs qu'il recherche. Ils n'ont rien à chercher dans ma maison, mais toi, j'ai un mot à te dire ce qu'il y a dessus. Rends-lui son linge, fin. Ça va nous trahir. Prends son linge, ôte son linge. Dans cette maison, c'est moi qui commande. Et viens pas vomir dans ma cuisine. Pourquoi l'as-tu abandonné? C'est un péché. Ils vont sortir du bosquet, d'un moment à l'autre. J'aurais pas dû m'enfuir, ça les aura exaspérés. Qu'est-ce que je pourrais rien faire? Jésus-Marie, les gardes noirs! Ils courent après l'enfant! Mais s'ils entrent! Ne leur donne pas! Et c'est le tien. Oui. Si tu le leur donnes, ils vont l'embrancher avec leur pique. Mais s'ils le réclament, c'est tout l'argent de la récolte ici. Si tu le leur donnes, ils vont l'embrancher ici, dans ta cuisine. Dis-leur qu'il est à toi. Oui. Et s'ils ne croient pas, attaque à le sauter. Mordicus. Ils vont mettre un feu et sur toute la ferme. C'est pour ça qu'il faut que tu dises qu'il est à toi. Oui. Son nom, c'est Michel. Oui. Oh, j'aurais pas dû te le dire. Oui. Et ne remue pas la tête comme ça, là. Oui. Et ne tremble pas, ça va se voir. Oui. Arrête avec tes oui. Oui. Je peux plus les entendre. Oui. Mais t'en as pas, toi. À la guerre. Alors si ça se trouve, il est peut-être une garde noire. Lui aussi. Et tu voudrais qu'il embranche les enfants? Alors là, il en prendrait pour son grade. Non mais arrête de foutre, j'avais ta pique dans ma cuisine. C'est pour ça que je t'ai élevé. Et retire-toi les oreilles avant de parler à ta mère. C'est vrai, il ferait beau voir qu'il me fasse ça. Promets-moi de leur dire qu'il est à toi. Hein. Oui. Et voilà. Bon, disait-elle. Qu'est-ce que je te disais? J'ai du nez, j'ai les flairs. J'aurais une question à te poser, ma fille. Pourquoi m'as-tu filé entre les pattes? Tu as cru que je te voulais quelque chose, hein? Quelque chose de pas convenable, je parie à vous. J'avais laissé le lait sur le feu, tout d'un coup, ça m'est revenu. Mais ça aurait pu être ça, non, reconnais-le. Il se pourrait que je sois un cochon. Je te parle à cœur ouvert. Je pourrais m'imaginer des tas de choses si nous étions seuls, toi et moi. T'as rien à faire dans la cour? Les poules à nourrir! T'es au courant de rien, monsieur le soldat! Ne mettez pas la ferme à feu et à sang! Mais de quoi tu parles? J'ai rien à voir dans tout ça, monsieur le soldat! C'est elle qui me l'a déposé devant la porte, je jure! Mais c'est qu'il y a quelque chose comme un marmot dans le panier! Tête de bois, ça sent le millier de piastres! Emmène la vieille dehors et tiens-la bien! J'ai dans l'idée qu'un tout petit interrogatoire s'impose. Eh bien, l'enfant que je voulais avoir de toi, tu l'as déjà. Il est à moi, monsieur l'officier. C'est pas celui-là que vous recherchez. C'est ce qu'on va voir. Il est à moi. Du linge fin. Suivi par les gardes noirs, Roucha Varnadze parvient à la passerelle du glacier Yangatao qui mène au village du versant oriental. Elle risque de vie. Te presse pas, la petite dame. Tu vois bien que tu passeras pas de l'autre côté. Royauté, mon frère. Il faut, qu'est-ce que ça veut dire, il faut? Moi aussi, il faut que je passe. Est-ce qu'il faut que j'aille à tout m'acheter de tapis à une folle là-bas? Bien, il faut qu'elle les vende. Si la folle est de son mari meurt, oh. Maintenant. Elle et moi, il faut encore qu'on puisse le faire. Voilà 2 heures. Quand Rie essaie de repêcher la corde, et si jamais il la repêche, je me demande bien comment on fera pour l'attacher. Mais toi, je crois que j'entends quelque chose. Mais pas celle. Je suis complètement pourri. Je crois crois que je pourrais essayer de passer de l'autre côté? Moi, je me risquerais pas, même si j'avais le diable au trou, c'est du suicide! Appelle pas! Dis-lui de ne pas appeler! Mais j'ai entendu quelqu'un qui appelait là en bas, il a peut-être perdu son chemin, hein! Et pourquoi il aurait pas le droit d'appeler? T'as des ennuis! On te poursuit! Mais je vais tout vous dire, c'est les gardes noirs qui me poursuivent. J'en ai assommé, hein! Bon, faites disparaître les marchandises! J'aurais pu le dire plus tôt, celles-là, s'ils mettent la main dessus, ils en font du hachis! C'est votre mon chemin! Faut que je traverse! Mais tu peux pas, voyons, le précipice fait 2000 pieds de profondeur! Même si on arrivait à repêcher la corde, ça servirait à rien, on pourrait la tenir à la main, seulement les gardes noirs en profiteraient pour passer, eux aussi! C'est vous! Par là, c'est là-haut! Il se rapproche! Mais tu peux pas emmener l'enfant avec toi sur la passerelle, elle va sûrement s'effondrer, regarde un peu en bas! 2000 pieds! Mais ces hommes-là sont pires! Pense à l'enfant, tu peux pas faire ça. S'ils sont à tes trousses, risque ta vie, mais pas celle de l'enfant. D'autant qu'avec l'enfant, c'est plus lourd. T'es bien qu'il faut vraiment qu'elle traverse? Donne-moi, je le cacherai, et toi, prends toute seule la passerelle. On sait jamais! Lui et moi, on fait qu'un. Oh, j'y vais. Ça s'appelle tant des dieux! Je vous en prie, jetez la perche. Sinon, ils vont pêcher la corde et me rejoindront. Elle a passé! Non, pêche-t-il, pêche-t-il! Quelqu'un a-t-il vu une personne avec un enfant? Oui, elle est là-bas! Et la passerelle ne vous portera pas! Tu me le paieras, tête de bois! Marcher 7 jours, escaladant le glacier, dévalant les pierriers. Quand j'entrerai dans la maison de mon frère, pensait-elle, il se lèvera, me prendra dans ses bras, disant « Enfin, tu es là, ma sœur, je t'attendais depuis longtemps. Voici ma chère femme et voici la ferme que le mariage m'a rapportée avec ses 11 chevaux et ses 31 vaches. Assieds-toi, prends place à notre table avec ton enfant. » Et mange. La maison du frère était sise au creux d'une vallée accueillante. En arrivant chez son frère, la sœur était harassée par le voyage. Le frère se leva de table. D'où viens-tu, gros chat? J'ai franchi le col de Yangata à l'Avanti. Je l'ai trouvée devant la grange. Elle a un petit avec elle. Va étrier le cheval au berre. C'est ma femme, Aniko. On croyait que tu étais servante, Anouka. Anouka, oui, j'y étais. Ce n'était pas une bonne place. On nous avait dit que si. Oui, le gouverneur a été tué. Oui, il y a eu des troubles, à ce qu'il paraît. Ta tante en a parlé, elle aussi, tu te rappelles, Aniko? Par chez nous, tout est calme. Les gens de la ville, il faut toujours qu'ils inventent quelque chose. Soso, ne sont pas la galette du fou, pas encore, tu entends? Où est-il passé? Tu as un père pour lui. C'est bien ce que je pensais. Faut trouver quelque chose. Elle est pieuse, tu sais. Les domestiques. Tu as un enfant? Il est à moi. Seigneur Jésus, il a attrapé une maladie. Qu'est-ce qu'on va faire? Assieds-toi. C'est seulement la faiblesse. Pourvu que ce soit pas la scarlatine. Il y aurait des plaques, c'est la faiblesse, ne t'inquiète pas, Aniko. Assise, c'est mieux, non? L'enfant est à elle? Ah, moi, oui! Elle s'en va rejoindre son mari! Bon, ta viande va être froide, manger froid, ça ne te vaut rien, la graisse est mauvais froid, que fragile dans l'estomac, tu le sais bien. Si ton mari n'est pas à la ville, où est-il donc? Elle s'est mariée de l'autre côté de la montagne, à ce qu'elle dit. Ah, ah! De l'autre côté de la montagne! Oui, il vaudrait mieux m'étendre quelque part la rentille. S'il a la tuberculose, on va tous l'attraper! Ton mari a une ferme? Ah, il est soldat. Mais son père lui a laissé une ferme! Une petite! Il n'est pas à la guerre? Pourquoi? Il est à la guerre. Alors pourquoi veux-tu aller à la ferme? Quand il reviendra de la guerre, il ira à sa ferme. Et toi, tu veux y aller dès maintenant? Oui, pour l'attendre! Rousseau! La galette! Tu fais un soldat attendre chez toi, chez moi, mange! Ça, c'est la scarlatine! Oui, il y a une ferme! D'après moi, c'est la faiblesse, Aniko. Tu devrais aller surveiller la galette, Paul Séry. Mais quand sera-t-il de retour? On dit que la guerre est repartie de plus belle! Sassan! Où est-ce qu'ils sont encore fourrés? Sassan! On va tout de suite te préparer un lit dans la mansarde. C'est une personne charitable, mais seulement après les repas. Tiens! Mais vous ne pourrez pas rester longtemps, tous les deux! Elle est pieuse, tu sais! La sœur était trop souffrante, son lâche de frère dut l'héberger. L'automne passa. Vint l'hiver. L'hiver fut long. L'hiver fut court. Les gens ne devaient pas savoir. Les rats ne devaient pas mordre. Il ne fallait pas que le printemps arrive. Michel! Il s'agit d'être malin. Si on se fait aussi petit que des cancrelats, la belle-sœur finira par oublier qu'on vit chez elle et on pourra rester jusqu'à la fonte des neiges. T'as froid? Bon ben, y a pas de quoi pleurer. Hein. Notre pauvre est grelotté en plus. Ça nous fait mal voir. Pourquoi est-ce que vous vous tenez là, en mitouflet jusqu'aux oreilles, comme des cochers? T'es trop froid dans la chambre, c'est ça? Il fait pas froid, la ventille. Si vous êtes trop froid, vous pourriez pas rester assis là, toi et l'enfant. Aniko se le pardonnerait pas. Le pop, t'as pas posé de questions sur l'enfant, j'espère? Il en a posé, mais j'ai rien dit. Très bien. Je voulais te parler au sujet d'Aniko. C'est une personne charitable, ou alors une sensibilité. Avant même que les gens commencent à faire des réflexions sur la ferme, la voilà qui prend peur. Elle ressent tout si profondément, tu sais. T'es sûr qu'il n'y a pas de rats? Vous pourriez pas continuer d'habiter ici s'il y avait des rats? C'est quoi? Qui goûte? Ça doit être un tonneau qui fuit. Oui, ça doit être un tonneau. On a bien 6 mois que t'es ici, non? Pour revenir à Aniko. Tu voudras pas le croire, mais elle se fait du souci pour ton soldat. Elle dit s'il revient, elle ne la trouve pas. Et ça l'empêche de dormir. Moi, je lui dis, il peut pas revenir avant le printemps. Elle a tellement bon cœur. Quand est-ce que tu crois qu'il reviendra? T'as une idée? Pas avant le printemps, t'es de mon avis. Je vois, toi-même, tu n'y crois plus à son retour. Mais quand viendra le printemps et que la neige fondra, ici et sur les routes d'école, tu pourras plus rester ici parce qu'alors ils pourront venir te chercher. Et un enfant illégitime, ça fait jaser.